parfois à quoi je ressemble. À quoi je ressemble sans mon masque. Combien je mesure quand je suis pas à genoux. Ce que j'aurais pu faire du temps qui passe. Avant je faisais plus jeune que mon âge. Et le passé m'a rattrapé. Maintenant je suis raccord, c'est dommage. Tout cassé, tout froissé. Je cherche plus la beauté du geste. Plus d'absolu, plus de noblesse. Je suis bien largué, je suis bien à l'ouest. T'es la seule chance qu'il me reste. Je cherche plus la beauté du geste. Faudra que tu fasses avec ce qui reste. C'est pas grave si t'es pas une princesse. T'es la seule chance qu'il me reste. Je cherche plus la beauté du geste. Alors je vis entre deux eaux. Je trompe la mort, je trompe la vie. Certains diront que j'en fais trop. Une overdose de mélancolie. Quand j'en peux plus, je m'assois sur un banc. Je regarde ces gens qui assurent. C'est vrai qu'ils sont beaux mais c'est gênant. Ils ont les dents longues et le regard dur. Tellement dur. Je cherche plus la beauté du geste. Plus d'absolu, plus de noblesse. Je suis bien largué, je suis bien à l'ouest. T'es la seule chance qu'il me reste. Je cherche plus la beauté du geste. Faudra que tu fasses avec ce qui reste. C'est pas grave si t'es pas une princesse. T'es la seule chance qui me reste. Je cherche plus la beauté du geste. Depuis toujours. Je cherche plus la beauté du geste. Plus d'absolu, plus de noblesse. Je suis bien largué, je suis bien à l'ouest. T'es la seule chance qu'il me reste. Je cherche plus la beauté du geste. Faudra que tu fasses avec ce qui reste. C'est pas grave si t'es pas une princesse. T'es la seule chance qu'il me reste. Je cherche plus la beauté du geste. Je cherche plus la beauté du geste.